Chapitre 11e, une famille polonaise. Depuis quelques jours, une famille était descendue à l'hôtel. Elle se composait d'abord d'une jeune fille, brunette, vive, pétulante, gentille, charmante, gracieuse, folle, bien élevée, bonne, aimante, ayant visage spirituel et franc d'expression. Une de ces petites femmes qui ont le diable au corps et qui sont faites pour plaire au caractère calme. On l'eût choisie pour être remarquée et aimée par Fernande, pour qu'elle devint son amie, et qu'une tendre affection en fit deux sœurs, on eût combiné leur rencontre dans ce but que l'on aurait pu complimenter la vile personne qui dirigeait ainsi le hasard. Ensuite, venait la mère de Léontine, ainsi se nommait la jeune fille, c'était une dame du meilleur monde. Elle était polonaise et baronne. Elle avait le grand ton, les manières du faubourg Saint-Germain. Elle semblait avoir beaucoup souffert. Elle parlait d'un mari regretté. Toujours triste, mélancolique, digne, elle portait fièrement ses cheveux gris déjà, quoiqu'elle n'eût que 40 ans. Elle regardait souvent Armand, et celui-ci la surprit à pleurer. Elle ne pouvait se consoler de la mort d'un fils qui avait péri pendant la dernière insurrection de la Pologne. Elle fit la conquête d'Armand, qui se laissa prendre aux airs de Madame Badziville, et se montra pour elle très attentif et très respectueux. Une douce intimité s'établit entre la mère et la fille d'une part, Fernand et Armand de l'autre. On s'apitoyait sur les malheurs dont la baronne avait été frappée. Fils et mari tués, fortune confisquée, exil, la baronne avait tout subi. Le tsar, cependant, lui avait rendu sinon ses biens, du moins une rente sur le revenu. Mais elle était affligée d'un beau-frère atteint d'une maladie mentale singulière et elle soignait ce beau-frère rachitique, idiot, muet, avec un soin touchant. Un domestique polonais, un grand gaillard, de forme athlétique, surveillait du reste sans cesse ce beau-frère qui était le chevalier Badziville. Par abréviation, on l'appelait Bali. Vraiment, cet idiot était admirablement dressé. Par un prodige d'éducation, à force de dévouement, la baronne avait réussi à le faire se tenir, manger et se présenter poliment. Qui l'eût vu à la table d'hôte, se serait figuré être en face d'un petit vieillard malingre et souffreteux, un peu bossu, difforme et taciturne, car le chevalier n'avait pas le regard atone des muets. Son œil, au contraire, brillait d'un tel éclat que tout le monde s'en apercevait. On pouvait déclarer sans se tromper, après avoir vu une fois le chevalier manger, qu'il était gourmand, car sa prunelle s'allumait surtout quand le rôti paraissait sur la table. Son domestique, toujours derrière lui, le surveillait surtout à ce moment. On voyait le chevalier faire des grimaces, s'agiter, flairer l'odeur du gigot et du poulet. Il ne se calmait que quand on lui en avait servi une formidable tranche. Descend du reste, découpant bien ses morceaux, il n'avait que cette petite manie de se trémousser en présence d'une viande saignante, on souriait doucement. La baronne était si bonne, elle sollicitait l'indulgence pour son beau-frère avec tant de grâce, que le bonhomme eût-il été pire, on eût passé là-dessus, mais c'était très supportable. Enfin, dans cette famille, il y avait le grand-père de Léontine, père de la baronne. C'était un grand gentilhomme, mince, sec, élancé, comme un sapin du Nord. Au dire de sa petite-fille, c'était un héros. Il avait promené sa bravoure sur tous les champs de bataille du monde où l'on luttait pour la bonne cause. Peu causeur, il savait dire un mot à propos. Peu complimenteur, il sut capter Armand par une phrase d'éloge bien dite et bien conçue. Les choses avaient été un peu vite. Mais la jeunesse est ardente. Monsieur le Noël aurait modéré quelque peu, s'il eût été là, cette belle confiance enthousiaste pour ses étrangers. Mais Monsieur le Noël et son bon sens pratique étaient prisonniers. Quoi qu'il en fût, les Polonais s'étaient montrés très affectés de savoir que leurs jeunes amis avaient un oncle prisonnier dans la montagne. Ils avaient offert leur service au cas où il eût fallu de l'argent pour compléter la rançon. Ce trait avait définitivement conquis les cœurs d'Armand et de Fernande, mais de rançon il n'était point question dans les lettres de Monsieur le Noël.